La tour Eiffel à 300 mètres, du haut en bas on voit la Seine. Pour y monter il faut payer tous les millions qu'elle a coûtés.